je peux être condamné pour délit de fuite si je ne m'arrête pas après avoir occasionné un accident matériel. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un accident corporel. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.